Chapitre 5e. Iko Teruka, d'un pas tranquille, traversa un long couloir qui donnait dans une sorte d'antichambre où se tenaient quatre Chinois aussi robustes que ceux de la porte. Ils étaient assis sur des escabeaux de bambou et ne se dérangèrent pas en voyant passer le détective japonais. Iko Teruka franchit une dernière porte et se trouva dans la salle de jeu. C'était une vaste pièce rectangulaire, éclairée par des lampes au pétrole suspendues au plafond par des chaînes de bronze recouvertes de verre de gris. Des panneaux de soie rouge, usés et rapiécés, étaient suspendus aux murailles. Des gros caractères chinois en drap noir les ornaient. Les joueurs étaient massés au centre de la pièce, autour d'une table oblongue, recouverte d'un drap noir divisé en carrés inégaux. C'était dans ces carrés que s'amoncelaient les mises. Un petit homme au teint verdâtre, le croupier, se tenait à une des extrémités de la table, devant un large bol de bronze rempli de sapek. À sa gauche et à sa droite, de solides gaillards étaient assis et promenaient sur l'assistance des regards méfiants. Le jeu était déjà commencé. Sur les carrés peints sur le drap de la table, piastres et livres sterling s'amoncelaient. Les joueurs étaient assez mêlés. Quelques Portugais, beaucoup de métis et surtout des Chinois. Dans un angle de la salle, un gros homme se tenait derrière une sorte de grille de bois. C'était le changeur. Iko Teruka profita de ce que personne ne sollicitait ses services pour le faire parler. Il lui demanda de lui changer une banknote de 5 livres sterling contre des piastres. Le changeur lui fit observer qu'il pouvait parfaitement miser son billet d'un seul coup et n'avait pas absolument besoin de le changer. Ce à quoi Iko Teruka répondit qu'il ne voulait pas risquer une aussi forte somme d'un seul coup. L'homme n'insista pas et, en échange de son billet, lui remit une poignée de grosses pièces d'argent. Iko Teruka les compta rapidement et vit que le changeur lui avait rendu 2 piastres en moins. Mais il n'en fit rien voir et mit les pièces d'argent dans sa poche sans mot dire. Après quoi, négligemment, comme pour passer le temps, il interrogea le changeur sur feu à Afo. « J'étais des amis de ce pauvre Afo, » répliqua Iko Teruka. C'est bien malheureux qu'il soit mort. L'on m'a dit que ses affaires n'étaient pas très bonnes, si je l'avais su, et qu'il lui a succédé. C'est son frère, monsieur Atao, fit le changeur, mais il est bien malade lui-même. Très intéressé, Iko Teruka continua la conversation. Le changeur lui raconta que monsieur Atao, avant de succéder à son frère, tenait une épicerie où il vivait misérablement. Maintenant il était riche. Il ne venait plus à la maison de jeu, étant très malade. Iko Teruka apprit aussi que beaucoup de capitaines de navires venaient jouer et qu'ils perdaient souvent. Il n'insista pas, et pour éviter les soupçons, s'approcha de la table de jeu et misa 10 piastres sur le numéro 3. La chance le favorisa. En quelques minutes, il lui gagnit environ 500 piastres. Il continua à jouer et les reperdit. Il s'écarta alors de la table et alla s'asseoir dans un angle de la pièce auprès d'une porte masquée d'un épais rideau de soie brodée. Il put bientôt remarquer que derrière ce rideau, un homme se tenait debout, immobile, à surveiller les joueurs sans être vu. Iko Teruka fronça légèrement les sourcils. Cette surveillance n'était pas naturelle. Le tenancier de la maison de jeu n'avait rien à craindre puisque le jeu est permis à Macao. Alors, pourquoi cette méfiance? Iko Teruka regarda les joueurs. Il ne vit rien de remarquable et sortit. Une fois dans la rue, il s'éloigna, et à 30 mètres à peine de la maison de jeu, s'engagea dans une ruelle transversale. 1 heure du matin sonnait à une horloge voisine. Iko Teruka, s'aidant d'un tuyau de gouttière fixé à la muraille d'une maison en ruine, grimpa jusqu'au toit de la bâtisse et, favorisé par les ténèbres, atteignit bientôt le toit de la maison de feu à faux.